Moi, je coupe la parole, monsieur Lamra. Oui, oui. Moi, quand vous parlez de Moussali Al-Hajj, là. Moi, j'étais à Paris de 55 heures, de 54 à 57. Moi j'étais à Paris, quand on était à Paris, à l'époque, on était obligé de participer à le Front National algérien, à la FLN. Alors, il y avait deux partis. Il y avait Moussali Al-Hajj et puis il y avait la FLN. Alors là, moi c'est bizarre à l'époque. Hein. Moi j'ai resté dans le 19e. À Repiti, il y avait un café à Repiti dans le 19e. C'était Moussali Al-Hajj. Les Algériens, ils se sont tués entre eux. Moi j'étais dans la partie des FLN, parce qu'on était obligés. Moi j'étais dans la partie des FLN. Il nous a donné des quartiers, il ne faut pas y aller dans ces quartiers-là, dans ces quartiers-là. Voilà. Alors ils se sont tués entre eux. Alors moi j'ai dit comment ça se fait que ces deux parties qui se tuent entre eux, et puis cette partie de Moussali Al-Hajj, elle est d'accord avec la police, elle est d'accord avec la France. C'est ce qu'on vous disait. Il me disait qu'elle est d'accord avec la France parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés. Ils ne se sont jamais arrêtés. Tandis que les autres, ils se sont déjà arrêtés. Parce que eux d'après la politique, à l'époque, non, d'après la politique, ils disaient que Moussali Al-Hajj, il voulait s'arranger amiablement avec la France. Il n'y aura pas de guerre, il y aura les Français qui resteront là-bas, il y aura tout ça. Il peut s'arranger, il n'y aura pas la guerre. Moussali Al-Hajj, il disait que non. Aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, 35 ans après, Moussali Al-Hajj, il se fait arrêter en Algérie et il se rend pas. Même aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord. Vous étiez ouvrier donc, ouais. À Paris. Ouais. Donc vous, on vous a obligé. Ah oui, oui, oui. Ça veut dire, si vous repérez quelqu'un de Tixir, de Chorfa, de... On a des cartes. Vous aviez des cartes. On a des cartes, il nous a donné un nom. Il nous a donné des quartiers. Celui-là qui était Moussali Al-Hajj, il ne devrait pas rentrer dans le quartier de FLN. Mm. Celui qui était FLN, elle n'a pas le droit d'y aller dans le. Est-ce que vous pouvez me citer les quartiers FLN à Paris, les quartiers MNA à Paris, si vous souvenez un petit peu? Bon, je me rappelle la rue Petit dans le 19e. La rue Petit, c'est FLN ou MNA? Ah non, c'est Moussali Al-Hajj. Moussali Al-Hajj. Ah oui, donc il y a la rue Petit, donc dans le 19e. Et puis, au passage départ. C'est dans le 19e aussi, au passage départ aussi. Passage départ, là. Oui, vous savez, il y a la route Crimée, il y a la route Crimée qui monte, il monte jusqu'à Pont-de-Chameau, ouais. Et il y a le pont, quand on sort de il y a métro Crimée, on prend tout droit pour aller à Lyon-Mer, pour rejoindre David Jean-Jaurès, pour aller à Pointe, tout ça. Tout ça, c'est mon quartier, tout ça. Là. Alors, il y a passage départ là, rien que on dit l'Algérie, puis à l'époque, il n'y a rien que des Arabes, rien que des quartiers, rien que des Arabes, tout ça. Là. C'est là-bas qu'ils ont leur PC, leur quartier, tout ça. C'est incroyable, là. Eux, ils n'ont pas de problème avec les Français. Avec la police française, ils n'ont pas de problème. Tandis qu'avec la FLN, chacun... Vous aviez été contrôlé, vous, par la police française? Ah oui, mais même... On nous fait baisser des pantalons, on reste rien qu'un slip comme ça, au mur comme ça. Ah oui, moi je. Commissariat devant public comme ça, là. Pourquoi vous faisiez ça? Parce qu'il y avait des attentats. Il y avait des attentats. Ah, il y avait des attentats. Hein. Ah oui, il y avait des attentats, et puis il y avait des gens qui ne voulaient pas le payer, il faut dans la somme. Je dis dans la somme, parce que je dis dans la salle, à part de moi, parce que comme j'étais à Mien, alors. Ça veut dire que le FLN, vous mettez tuer dans la salle? Oui, obligé. On est d'armée, parti, il vous donne un ordre, il va dire bon, vous allez voir tel, il va vous payer, si les gens-là ne veulent pas payer. Après, ils ont une autre équipe, ils appellent ça le groupe de choc, elle envoie la nuit, il sort. Et jeter dans la scène. Et il y a beaucoup de personnes qui ont terminé dans la scène qui vont pas payer. Vous avez connu des gens qui n'ont pas voulu payer, qui se sont retrouvés dans la scène. Bah oui, moi je ne vais pas dire le nom. Hein. Non, mais ne donnez pas le nom, mais vous avez connu une personne pas une personne, plusieurs. Plusieurs. Ah oui. C'est des Algériens entre eux. Hein. C'est des Algériens entre eux. Entre eux, hein. Ah oui. Mais comment ça se passait? Ça veut dire. Une personne ne voulait pas payer. Oui. Le commandant de choc, il arrive. Et qu'est-ce qui se passait pour lui? Comment ça se passait exactement, concrètement? Bon. on vient, on vous demande, bon, en Algérie, il y a la guerre, les FLN, ils ont besoin de l'argent. Il faut qu'on les aide. Vous avez 30 francs par mois. Vous savez, à l'époque, 30 francs par mois, c'est beaucoup quand même. Hein. Alors, 30 francs. L'Algérie, j'ai réglé 200 francs. 2 francs, vous payez. Ah, bon. Ah oui, oui, oui. Monsieur Lamar, oui. Oui. Alors, ils vous disent ça. Bon, ils vont vous laisser réfléchir. Ils vont vous dire, ils vous choisissent. Alors, il y en a qui part d'Am Saïd Hajj. Il y en a qui restent. Celui-là qui reste, qui ne veut pas payer, il a été dur. Ils essayent 2-3 fois. Troisième fois, quatrième fois, la nuit vers minuit, 1h du matin, parce que quand on a la réunion, qu'ils disent, hein, alors, ils donnent l'œil de Donadès, ils l'envoient, et puis il arrive là-bas, il frappe à la porte, il prend l'air, il met un truc, il met dans la voiture, ben, il arrive à la salle, ça n'est pas côté de Jaurès, côté de Stalingrad, ou côté de la Loire, tout ça, dans les, ah ben, il foutait là-dedans. Il est attaché ses mains, il foutait là-dedans. Ça veut dire attaché, il l'a envoyé dans la salle. Ouais, il l'a envoyé dans la salle. C'est entre eux. Ah oui, comme ça, vous. C'est ça. Ça, c'est entre les Algériens. Et pourquoi certains avaient choisi plutôt le côté FLN ou plutôt le côté MNA? C'était. Certains politiques, moi je les comprends. Hein. C'est certains politiques, il y en a qui ont peur à des défoncés, ils se mettent de côté de M. El Hadj. Ah oui, une fois qu'ils étaient dans M. El Hadj, il n'y a pas de problème, c'est bizarre ça.